la rue et trouver la plus jolie couleur dans la lumière et le reflet qui brille dans les yeux. C'est un rêve qui joue du désir. S'est imprimé dans la nuit, dans son regard une flamme est passée, une magie qui fait cette rencontre, c'est la vie qui chercher un peu de réconfort, un peu d'ivresse artificielle, échapper à toutes les contraintes, les soumissions, les moments difficiles, la dérision. Il n'y a pas d'endroit pour acheter la présence, le plaisir qu'on peut donner. Le désir se vit en passant par nous. Le désir est liberté. Choix.